Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le règne de la terreur sous la dictature argentine des années 70 et 80. C'était vraiment une terreur qu'on vivait les 24 heures de la journée, parce que c'était des voitures militaires, des Falcons verts avec des policiers en civil à l'intérieur. À n'importe quelle heure de la journée, des sirènes, on était surveillés tout le temps, mais on se sentait surtout surveillés en permanence. On voyait des rafles dans la rue, enfin c'était vraiment insoutenable, non ? Insoutenable, c'était permanent, quoi. Les autres ont été détenus 4-5 heures, mais comme je venais de Corrientes, il y avait des doutes, alors ils m'ont fait rester 24 heures. Là vraiment j'ai pensé que c'était la fin. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 24 heures? Eh ben, ils menaçaient, ils faisaient des interrogatoires, ils ne m'ont pas torturé. Extrait d'un reportage de Jean-Michel Leprince, diffusé à l'émission Enjeu en 2005. Dans cet extrait, vous entendiez sœur Yvonne Pierron et son biographe Éric Domergue. Yvonne Pierron a été arrêtée par les hommes de la junte militaire en place dans les années 70 en Argentine, mais elle a réussi à passer entre les mailles du filet et à regagner la France, d'où elle a combattu à distance avec Éric Domergue, justement, la dictature installée là-bas. Deux de ses collègues religieuses, Alice Daumont et Léonie Duquet, ont-elles été moins chanceuses? Elles ont toutes les deux été assassinées après avoir été enlevé par les sbires du régime. Au total, 15 Français sont disparus en Argentine pendant la dictature des années 70 et 80 et on estime à 30 000 le nombre total de personnes qui sont disparues sous la dictature du général Videla entre 1976 et 1983. Le journaliste Jean-Michel Leprince a accepté de participer à notre série d'émissions spéciales où des collègues de Radio-Canada viennent nous parler de sujets qu'ils ont couverts ou qu'ils connaissent bien. Jean-Michel Leprince, bonjour. Oui, bonjour Jacques. C'est donc, Jean-Michel, l'histoire d'Yvonne Pierron, l'histoire d'Alice Daumont, l'histoire de Léonie Duquet que vous allez nous raconter aujourd'hui. Mais évidemment, cette histoire-là, elle s'inscrit dans un contexte plus large, celui qui a été le contexte de la dictature des années 70 et 80 en Argentine. On reviendra sur ce contexte dans un instant, c'est important pour comprendre les choses, mais un petit mot d'abord sur l'histoire d'Yvonne Pierron, d'Alice Daumont, de Léonie Duquet. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à cette histoire-là? Bien écoutez, on est en 2005, donc cette année-là, il y a de nouveau de l'activité dans la poursuite des tortionnaires de la dictature de la part du gouvernement argentin. Alors à l'époque, au départ, on parle de Néstor Kirchner, c'est un péroniste. Les péronistes, dont Juan Perón, ont été persécutés sous la dictature. Et ensuite, ça se continue après son décès, lorsque sa femme, Cristina Kirchner, prend le pouvoir. Donc à l'époque, Alfredo Astiz, c'est un capitaine de la marine. On l'appelait l'ange blond de la mort. Il a été à l'origine de nombreuses arrestations, a assisté à des tortures et a procédé à des disparitions de centaines de personnes sous la dictature. C'est un capitaine de marine. Il a été arrêté en 2003. Imaginez, la dictature s'est terminée en 83. Il est arrêté en 2003 seulement parce que les dictateurs se sont votés une amnistie après qui était très, très difficile à amender. Et il a été, pour l'histoire, libéré ensuite en 2008. Il a subi un nouveau procès en 2009 sous Cristina Kirchner. Et là, il a été condamné à la prison à vie et c'est là qu'il est encore en ce moment. Alors à l'époque, il fallait illustrer, rappeler ce que c'était que la dictature qu'on commençait à châtier de façon active en Argentine à l'époque. Et on avait une collaboratrice en Argentine avec qui on travaillait et elle nous a suggéré comme angle d'attaque l'existence justement de cette personne, Yvonne Pierron, cette sœur missionnaire qui faisait partie d'un groupe de trois Françaises qui s'occupait des gens pauvres et qui était assez active à ce moment-là en Argentine et qui a été arrêtée et elle a échappé aux tortionnaires, mais ses deux consœurs ont été arrêtées et ont disparu. Oui, et en fait, elle a échappé par chance, on y reviendra, aux tortionnaires, mais elle était ciblée, mais les deux autres, Alice Daumont et Léonie Duquet, elles seront enlevées, seront assassinées par les sbires du régime. Et le fameux capitaine Astiz dont vous parliez, le lien, il est direct. Là. C'est lui qui est responsable, à tout le moins, de l'enlèvement et de l'assassinat d'Alice Daumont. Et il ciblait Yvonne Pierron. Oui, tout à fait. Il la ciblait et on pense qu'il s'est trompé de personne. C'est Léonie Duquet qui a été enlevée chez elle alors qu'on visait Yvonne Pierron. Il y a eu confusion parce que Yvonne Pierron n'habitait pas à Buenos Aires. Elle était active ailleurs, en région. Elle était venue à Buenos Aires et a participé à des réunions des maires de la place de Mai. Elle a échappé à la vigilance, disons. Ils sont trompés d'identité, mais elle a tenu à en parler. Mais c'était contre son gré, mais elle tenait à témoigner soigner la disparition de ses deux consoeurs, elle avait une sorte de culpabilité en se disant « ça devait être moi, ça n'a pas été moi, il faut que je parle, il faut que je raconte cette histoire de la dictature » et c'est ce qu'elle a fait toute sa vie. Ouais. Puis on reviendra donc sur l'histoire d'Yvonne Pierron et de ses deux collègues Alice Demont et Léonie Duquet, mais un petit mot d'abord sur pour situer tout ça dans le contexte plus large, puis un lien direct. Constamment dans cette émission, on va passer de ce contexte plus large à l'histoire de ces trois religieuses françaises, mais comment ce pays, l'Argentine, commençons par là, Jean-Michel Leprince, comment l'Argentine en vient-elle à tomber sous le coup d'une dictature le 24 mars 1976? Ouais. Alors, il faut dire que l'Argentine, ce n'est pas une très, très grande démocratie, pas très solide en tout cas. C'est un pays qui est allé de coup d'État en coup d'État dans les années 40, 50, etc. Il y a eu 3 ans de démocratie avec une élection démocratique en 73 au retour de Juan Perón. Et après ça, bon, c'est crise économique sur crise économique. L'histoire se répète encore malheureusement en Argentine. Et Juan Perón meurt. Il est remplacé par son épouse, Isabelle Perón, qui, en fait, commence la répression contre des guérillas communistes, les Montoneros, l'EPR aussi. Et il faut dire qu'on est dans un contexte de guerre froide. Hein. C'est, les États-Unis appliquent la théorie des dominos partout. Si un pays tombe aux mains des communistes, les autres vont suivre. Et l'Argentine n'est pas le premier pays à passer sous le joug d'une dictature. Il y a eu l'Uruguay, il y a eu le Chili, 1973. Évidemment, on se souvient le putsch contre Allende, la prise de pouvoir de Pinochet. Ouais. La Bolivie aussi est tombée, le Brésil est tombé. Donc il y a une chasse aux sorcières, une chasse anticommuniste partout sur le continent. Et l'Argentine a commencé la sienne sous Isabelle Perón. Et là, ça ne marchait pas, l'économie était en crise. Et donc il y a eu le coup d'État justement d'une junte militaire dirigée par le général Jorge Videla. Ouais, toujours avec cette même logique, donc, pendant cette guerre froide, les États-Unis appuient toutes ces dictatures qui sont mises, en guillemets, au pouvoir pour contrer ces mouvements plus progressistes, plus à gauche. Ça ressemble à quoi, cela dit, ce régime dictatorial des années 70-80 en Argentine, très concrètement? Au début de l'émission, on entendait Éric Domergue décrire un petit peu le climat de terreur qui régnait au moment de la dictature argentine. Très concrètement, Jean-Michel, c'est quoi ce régime quand on le vit au quotidien? Alors, on l'appelle la guerre sale. Hein. Éric Domergue l'a bien décrit. C'était la terreur au jour le jour, des enlèvements surprises. Les fameuses Ford Falcon, on voit un exemplaire dans notre reportage, verte, pâle, semait la terreur. C'était des policiers ou des militaires en civil qui débarquaient quelque part, qui arrêtaient les gens, les embarquaient. C'est le pays où il y a le plus de morts, de disparus. Hein. 30 000, c'est énorme, plus qu'au Chili, plus qu'ailleurs. Et c'était vraiment au hasard. Et on visait, universitaires, journalistes, syndicats, syndicalistes, prêtres, militants, évidemment, on cherchait des Montoneros et des gens de l'ERP, mais tout le monde y passait. Et les religieuses, on reprochait aux religieuses françaises d'avoir aidé les Montoneros, de leur avoir fourni des armes, ça n'a jamais été prouvé. Tout ce qu'on faisait dans ce groupe, et spécialement Alice Demont, c'était d'aider les maires de la place de Mai, donc les maires, ces femmes qui manifestaient pour protester contre la disparition d'un fils, d'un frère, d'un cousin sur la place de Mai, devant la présidence, la Casa Rosada, à Buenos Aires. Donc elles leur apportaient à manger. Donc elles ont été arrêtées, ces sœurs-là, sous prétexte qu'elles fournissaient des armes aux Montoneros. Donc c'était vraiment une période de terreur. Il y a un général, Guillermo Suárez Masson, qui a résumé ce mouvement-là, devant l'avancée d'une action totale de la part du marxisme, il est indispensable de mettre en œuvre une réponse intégrale de l'État. Il serait absurde de supposer que nous avons gagné la guerre contre la subversion parce que nous avons éliminé son danger armé. Fait que tout le monde était une cible possible de ces gens-là. Et la technique était inspirée. Il y a un porte-parole de l'armée qui n'a jamais participé à la dictature. Il n'était pas dans l'armée à ce moment-là, mais qui a fait la guerre des Malouines, entre autres. Mais il est devenu porte-parole des forces armées, des retraités des forces armées. Donc il justifiait les forces armées à l'époque. Il nous a dit, nous, on n'avait pas d'histoire militaire vraiment en Argentine. On s'est inspiré d'autres choses, l'Indochine, mais surtout l'Algérie française. Et la bataille d'Alger en particulier, alors au cours de la bataille d'Alger, pendant 6 mois, 3000 personnes ont été arrêtées, torturées, exécutées. Et voilà, donc c'était le modèle que les Argentins, la dictature argentine, les tortionnaires ont trouvé à ce moment-là pour régler leur... leurs problèmes de communistes, supposés marxistes ou communistes ou guérilleros. Avec ce résultat assez hallucinant, encore une fois, dont vous parliez, là, 30 000, c'est quand même pas rien, 30 000 personnes qui sont enlevées, assassinées, qui disparaissent pendant ces quelques années de dictature. Tout ce qui, de près ou de loin, peut être considéré par le régime comme un mouvement d'opposition, ce qui nous ramène aux sœurs Yvonne Pierron et à ses deux collègues, Alice Demont et Léonie Duquet, parce qu'elles travaillent dans des milieux défavorisés, on les associe tout bêtement. Il faut dire aussi qu'on est encore un peu, Jean-Michel, dans l'esprit de la théologie de la libération. Il y a une frange de l'Église en Amérique du Sud, ça existe, oui. Ça, quand même. Ah, tout à fait. Elles font partie de ce groupe de théologie de la libération. Mais ce qu'il faut dire, par contre, c'est que l'Église argentine, à l'époque, est fortement de mèche avec la dictature. Je pense qu'il y a 5 évêques qui ont fait dissidence et il y en a qui sont morts, qui en sont morts. Mais l'Église a tacitement, la plupart du temps, appuyé le régime. Donc, c'est la frange de gauche de ses sœurs. Et Yvonne Pierron, par exemple, a commencé en 1955 à aider les populations mapuches. C'est en Patagonie, c'est le sud de l'Argentine. Il y a les mêmes peuples au Chili de l'autre côté, extrêmement pauvres, indigènes. Enfin, pensez aux indigènes canadiens, ça ressemble un petit peu à la même chose. Donc, elle a commencé sa carrière là. Et ensuite, elle est allée dans le nord, à Corrientes, où elle a fini sa vie d'ailleurs, pour aider les populations de paysans pauvres et catholiques. Alors, Alice Dumont, Léonie Duquet, c'est la même chose, mais elle œuvre à Buenos Aires. Et Alice Dumont, en particulier, est active auprès des maires de la place de Mai. Donc, Elles sont ciblées par le régime, par ce fameux capitaine Astiz dont on parlait au tout début de l'émission. Et en décembre 77, tout bascule pour Alice Demont et pour Léonie Duquet. On écoute à ce sujet un extrait de votre reportage diffusé en 2005, Jean-Michel Leprince. Dans cette église de Santa Cruz à Buenos Aires, le 8 décembre 1977, les maires se réunissent pour terminer une pétition pour les journaux et recueillir de l'argent pour la payer. Astiz entre. Il sort de sa poche un billet d'un peso, le plus petit billet, et il le montre en disant qu'il n'a pas plus. Et en le donnant, il désigne aux militaires dehors celles qui doivent être kidnappées. À l'extérieur s'approchent les fameuses Ford Falcon vertes utilisées dans les rafles par les militaires argentins en civil. L'opération a été très rapide. À la sortie, ils séparent celles qu'ils vont enlever et ils les emmènent. Astiz disparaît à ce moment-là, et nul ne sait par où et pour où. Ils enlèvent 10 personnes. Ahí desaparece en ese momento. Nadie sabe ni por dónde sale ni qué pasó. Ven que se llevan a Alice Dumont. Et là, ils enlèvent Alice Dumont. Ils l'attrapent par les cheveux et les vêtements. Et ils la poussent dans une Ford Falcon. Et quand ils l'emportent, ils disent à ceux qui restent, « Ceci est une descente anti-drogue. » C'était vraiment une terreur qu'on vivait les 24 heures de la journée, parce que c'était des voitures militaires, des Falcons verts avec des policiers en civil à l'intérieur. À n'importe quelle heure de la journée, des sirènes. On était surveillés tout le temps, mais on se sentait surtout surveillés en permanence. On voyait des rafles dans la rue. Enfin, c'était vraiment insoutenable, non ? Insoutenable. C'était et permanent, quoi. Éric Domergue a connu Sœur Yvonne en exil en France, d'où ils luttaient ensemble contre la dictature argentine. Il a fui le pays quand son frère a disparu également, en 1976. Il écrit la biographie d'Yvonne Pierron. C'était elle aussi qui était visée, quoi. Elle était la prochaine sur la liste. Oui, elle était la prochaine. Dit-on même que Léonie Duquet a été enlevée à la place de Yvonne, quoi. Le capitaine Astiz qui a commandé le double enlèvement. Devait avoir une mauvaise information. Alors, qu'est-ce qui se passe donc le 8 décembre 77, Jean-Michel? On reviendra sur Yvonne Pierron dans un instant, qui avait été visée d'abord par le capitaine Astiz, mais qu'est-ce qui se passe le 8 décembre 77? Alors la femme qu'on a entendue en espagnol, c'est Nora Cortina, c'est une mère de la place de Mai, justement, qu'on avait rencontrée sur la place de Mai, devant la Casa Rosada, et dont le fils avait été kidnappé le 14 avril 1977, et qu'elle n'a évidemment jamais revu. Elle était dans l'église de Santa Cruz avec Alice Domont, Yvonne Pierron connaissait aussi le capitaine Astis, elle l'avait rencontré et elle nous racontait que ses deux consoeurs adoraient le capitaine Astis. Il était très beau, il était très gentil, on l'appelait l'ange blond de la mort, encore une fois. Elle ne voulait pas croire, alors que Yvonne Pierron était extrêmement méfiante et elle leur a dit plusieurs fois, non, qu'est-ce qu'il fait avec vous? Il raccompagne tout le monde, il a une voiture, il prétend avoir perdu son frère, ça ne tient pas debout. Il a infiltré le groupe, en fait, c'est un peu ça. Il l'a infiltré et il était dans l'église de Santa Cruz ce jour-là, le 8 décembre 1977. Et à un moment donné, les maires de la place de Mai faisaient une quête pour récupérer de l'argent, pour la nourriture, etc. Et il a déposé un peso dans le bol. Il a désigné après aux sbires qui étaient à l'extérieur, qui attendaient avec des voitures, 12 personnes. 11 personnes, dont Léonie, dont Alice Domont, et elles ont été enlevées l'une après l'autre. Alice Domont s'est retrouvée à l'école des mécaniciens de la marine, le centre de torture. Léonie Duquet, elle, a été arrêtée chez elle 2 jours plus tard, et elles se sont retrouvées toutes les deux justement à ce fameux centre de torture, l'ESMA, comme on dit là-bas à Buenos Aires. Et ça, c'était connu de tous. Ce centre-là équivalait à de très mauvais moments à passer. La torture avant d'éventuellement être assassiné, carrément. Ah oui, tout à fait. Torture pour leur arracher des aveux, lesquels, on ne sait jamais, avez-vous apporté des armes au Montoneros, etc. Torture sévère, Yvonne Pierron nous l'a raconté, parce qu'il y avait des témoins et des survivants qui les ont vus. Ça a duré 10 jours pour les deux sœurs. Et après ça, elles ont disparu, mais apparemment, elles étaient dans un état absolument lamentable. On les a fait poser devant un grand écriteau, Montoneros, le nom de la guérilla. Et évidemment, elles ont été forcées. On voit bien qu'elles sont vraiment, vraiment pas en forme. Alors, il y avait différents endroits. Elle était dans la salle des capuches, là où elles étaient toujours cagoulées. Il y avait un autre endroit où on mettait les femmes enceintes, qu'on soignait beaucoup mieux, on leur donnait bien à manger, etc. Et après ça, on récupérait les enfants. Il y a 500 bébés qui ont été kidnappés, volés, à des mères arrêtées et pas torturées, elles, et ont été ensuite données à des familles proches de la dictature. Donc 500 jeunes bébés qu'on a réussi à retrouver au fil des années, enfin la plupart d'entre eux. Et après ça, ces femmes-là ont subi le même sort que Alice Domont et Léonie Duquet. Et ça, on en est à peu près sûr. On les droguait, on les montait dans un hélicoptère et on les jetait vivantes en mer. Et on le sait parce qu'on a retrouvé le cadavre. On a retrouvé Léonie Duquet à 400 km au sud. Il avait dérivé le long de l'Atlantique. On l'a retrouvé à 400 km au sud de l'Argentine. Elle a été enterrée là. Et on a retrouvé, identifié son corps peu de temps avant, qu'on arrive là-bas de 2005. On s'est rendu compte qu'effectivement, c'était Léonie Duquet. Et on n'a jamais retrouvé le corps d'Alice Domont. Ouais. Et cette technique-là, d'ailleurs, qu'on appelle le vol de la mort, elle est bien connue, elle est identifiée à ce régime de dictature argentin dans les années 70 et 80. Revenons à Sœur Yvonne. On le disait un peu plus tôt, puis on entendait Éric Demergue en parler dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Jean-Michel Leprince. C'est elle qui était visée, probablement que Léonie Duquet a été enlevée par erreur. Qu'est-ce qu'elle devient? Comment a réussi à s'en sortir, au fond? Et qu'est-ce qu'elle devient après? Par chance, parce qu'elle a laissé entendre qu'elle allait quitter l'Argentine tel jour, le vendredi. En fait, elle est partie le mardi et elle s'est réfugiée à l'ambassade de France. Et l'ambassade de France de Buenos Aires l'a exfiltrée vers l'Uruguay, qui était aussi en dictature à l'époque. Mais en tout cas, elle a réussi à se rendre en Uruguay. Et de là, elle a gagné la France. Et elle est restée en France. Et avec Éric Domergue, justement, tous les deux ont milité activement contre la dictature, dénonçant tout ce qui se passait en Argentine. Et elle a fait un passage d'ailleurs au Nicaragua, c'est un certain temps, où elle a découvert le sandinisme. On voit quelles sont ses tendances politiques. Elle était sympathisante du sandinisme. Et puis après ça, elle est rentrée en France. Et elle est rentrée en Argentine en 84, dès que la dictature s'est terminée. Donc s'était rendue en Argentine en 1955. Elle avait pris la nationalité argentine en 1967. Donc là, de retour en 84, elle retourne dans sa région de Corrientes, où on l'a rencontrée. On est à la frontière du Brésil. C'est très agricole, c'est très pauvre. Ce sont des gens d'ailleurs d'origine européenne, blanche. Il y avait beaucoup de Polonais, mais vraiment très pauvres. Les gens vont pieds nus, etc. Ce sont des agriculteurs. Et elle les aide. Et elle dirigeait à l'époque un foyer pour enfants et pour écoliers et étudiants qui n'avaient pas les moyens de se loger qui devaient faire des fois 3 heures, 4 heures de trajet à pied par jour pour venir à l'école. Donc ils logeaient là la semaine, repartaient chez eux en fin de semaine. Et elle finançait ce foyer à même sa retraite de missionnaire française. Et elle est restée là jusqu'à sa mort récente en 2017. Elle est morte à l'âge de 89 ans. Et elle a été enterrée dans la même église de Santa Cruz où on a réalisé en 2005 les funérailles de Léonie Duquet, quand on a retrouvé son corps. Et Yvonne Piron a été aussi enterrée, enfin était la cérémonie funéraire ont eu lieu dans cette même église de Santa Cruz. Et le gouvernement argentin lui a rendu hommage en 2019. Oui, ben justement, on va terminer là-dessus sur l'Argentine d'aujourd'hui. Où en sont les Argentins? Où en est l'Argentine par rapport à cette période de la dictature? Vous parliez au tout début de ce mouvement politiquement des Kirchner qui se sont attaqués aux responsables des atrocités du régime. Mais aujourd'hui, quels souvenirs on garde de tout ça? Où en est l'Argentine par rapport à cette période-là, Jean-Michel? Écoutez, l'Argentine piétine, l'Argentine tourne en rond. Il y a comme une malédiction, la malédiction du mauvais gouvernement en Argentine, des difficultés économiques. On est de retour sous un régime péroniste, donc c'est le parti justicialiste. Cristina Kirchner, qui était présidente et qui fait face à des accusations de corruption, on estime qu'elle a détourné des centaines de milliards de dollars de l'économie argentine quand elle était au pouvoir. Et avec son mari, Néstor, la même chose auparavant. Là, elle est vice-présidente d'un gouvernement péroniste à nouveau qui est aux prises avec des difficultés économiques très graves. Le trésor est vidé, les dettes sont énormes. Et là, évidemment, le pays est touché comme tous les autres par la Covid, donc ce qui ne va pas arranger les choses. Alors, c'est un petit peu le portrait maintenant. Bon, les tortionnaires sont en prison, ils sont morts. Maintenant, le général Videla est mort en prison. Astiz est encore en prison. Il a demandé à être libéré il y a une dizaine d'années pour un cancer du pancréas, visiblement. Il n'a pas succombé, il est toujours en prison. Donc justice a été faite en Argentine, il faut le dire. On a beaucoup de choses à reprocher aux Kirchner, mais s'il y a une chose qu'ils ont fait bien et avec courage, c'est justement poursuivre les tortionnaires de la dictature argentine. Jean-Michel Leprince, journaliste, spécialiste de couverture en Amérique du Sud et en Amérique centrale, merci infiniment. De rien, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis... À la prochaine.